Chant numéro 29. Au moment où le fils de la Taune et sa fille, à côté du bélier ou bien de la balance, forment de l'horizon leur ceinture commune, le temps que le zénith les tient en équilibre, jusqu'à ce que les deux sortent de cette zone et changent d'hémisphère, est égal à celui pendant lequel se tut Béatrice, en tournant son visage où brillait le bonheur, pour fixer son regard sur le point qui m'avait ébloui. Je te dirai, fit-elle, et sans que tu demandes ce que tu veux savoir, car je viens de le voir dans cet endroit que font tous les lieux et les temps. Ce n'est pas pour avoir un bien qui lui fût propre, ce qui n'a pas de sens, mais pour que sa splendeur pût, en brillant plus fort, affirmer subsisto. Quand son éternité, hors de toute limite, orne des bornes du temps, pour son plaisir, l'amour éternel s'est ouvert dans des amours nouvelles. Il n'était pas resté jusqu'alors inactif, puisque l'Esprit de Dieu n'a plané sur ses eaux le temps qui précéda, ni celui qui suivit. La forme et la matière, ensemble ou séparées, pures de tout défaut, en procèdent, de même qu'un triple trait jaillit de l'arc à triple corde. Comme à travers le verre ou l'ambre ou le cristal, un rayon resplendit si vite qu'il ne passe nul espace de temps entre atteindre et briller. De même du Seigneur, cette source triforme rayonna tout d'abord dans sa création entière et sans connaître aucun commencement. La substance reçut un ordre écriture dont elle fut empreinte. Et l'on mit les essences qu'engendre l'acte pur au sommet du créé. On assigna le bras à la pure puissance, et l'acte et la puissance ont été joints au centre dans des liens si forts que rien ne les sépare. Jérôme a soutenu que les ordres des anges avaient été créés bien des siècles avant que l'univers entier n'eût reçu l'existence. Pourtant, la vérité paraît dans bien des pages de tous ces écrivains que l'Esprit Saint inspire, et tu les trouveras si tu sais regarder. Et la raison aussi la devine en partie, qui ne peut concevoir que les moteurs aient pu rester si longtemps sans ce qu'il est parfait. Or, tu sais maintenant quand et où ces amours furent faits et comment. En sorte que trois flammes au fond de ton désir sont éteintes déjà. On n'arriverait pas en comptant jusqu'à 20 dans le temps qu'il fallut aux anges révoltés pour troubler les bas-fonds des autres éléments. Pour ceux qui sont restés, ils avaient mis en œuvre avec un tel bonheur cet art que tu contemples que jamais aucun d'eux n'a cessé de tourner. La cause de la chute était la malheureuse superbe de celui que tu pus contempler, écrasé sous le poids de l'univers entier. Ceux que tu vois ici furent assez modestes pour avouer leur dette envers cette bonté qui les avait créés aptes à le comprendre. Et c'est pourquoi leur vue est améliorée par leur propre mérite ainsi que par la grâce qui vint illuminer leur ferme volonté. Abandonnant le doute, il faut que tu sois sûr que recevoir la grâce est un mérite en soi, mesuré sur l'amour qui lui servit de porte. tu peux dorénavant méditer longuement et sans autre secours sur ces réunions si tu m'as écouté pendant tout ce discours. Pourtant, comme à l'école, on prétend enseigner que les anges sont faits capables par nature d'entendre, de vouloir et de se souvenir. Il faut que je poursuive afin que tu connaisses la pure vérité que vous rendez obscure en vous laissant tromper par de telles leçons. Après avoir joui du visage de Dieu, ces substances n'ont plus détourné leur regard du sien, à qui jamais rien ne peut échapper. Ainsi, leur vision n'est pas interceptée par de nouveaux objets. Ils n'ont donc pas besoin de se ressouvenir des concepts oubliés. Elle en rêve chez vous avec les yeux ouverts, quand on parle autrement, soit quand on y pense ou non, mais l'un de ces deux semble et coupable et plus vil. Votre philosophie à vous ne suit jamais un sentier uniforme, tellement vous séduisent l'amour de l'apparence et la soif de briller. Dans le ciel, cependant, avec moins de colère, on souffre cette erreur que celle d'oublier la divine écriture ou de changer son sens. Car vous ne pensez pas à tout le sang versé pour la semer au monde et qu'il est agréable au ciel que l'on confie en elle humblement. Pour se faire admirer, chacun vous vante et brode sa propre fantaisie, et les prédicateurs en font cas, oubliant d'ouvrir les évangiles. L'un compte que la lune a rebroussé chemin lors de la mort du Christ et s'est interposée afin que le soleil refusât sa lumière. Il ment, puisque le jour s'obscurcit de lui-même. C'est pourquoi cette éclipse était aussi visible aux Juifs, aux Indiens et jusqu'aux Espagnols. Les lapis, les bendis, ne sont point plus nombreux que les fables qu'on fait tous les ans à Florence et que les orateurs colportent de leur chair, faisant que les brebis qui n'ont pas le savoir rentrent du pâturage ayant mangé du vent, en quoi leur ignorance est une piètre excuse. Le Christ n'avait pas dit à son premier chapitre « Partez, allez partout prêcher des balivernes », mais leur donna le vrai qui leur servait d'assise. Et ce vrai fut le seul qui sonna sur leurs lèvres, si bien qu'à leur combat pour propager la foi, l'Évangile a fourni la lance et le bouclier. Avec des calembours et des bouffonneries, on prêche maintenant. Et pourvu qu'on s'amuse, le capus se gonfle et le moine est content. Mais souvent tel oiseau niche dans la cagoule que s'il pouvait le voir, le vulgaire saurait la valeur des pardons qu'on lui vient proposer. Et la stupidité s'augmente sur la terre, tellement que sans preuve et sans aucun garant, vite on fait confiance aux plus folles promesses. Ainsi fut engraissé le port de Saint-Antoine, et bien d'autres encore, qui sont pis que des ports, et en fausse monnaie on veut payer le monde. Mais, sans nous éloigner du sujet, tourne donc désormais ton regard vers la plus courte route pour économiser le chemin et le temps. Des anges, le modèle est souvent répété. Cependant, la parole et les concepts des hommes n'auraient pas le moyen d'en dire l'étendue. Et si tu te souviens de ce que nous révèle Daniel, tu verras qu'on ignore le chiffre de leur nombre précis, dont il dit les milliers. Leur nature reçoit la lumière première qui rayonne partout, en autant de manières qu'il existe d'éclats qui doivent l'accueillir. Et l'acte de comprendre étant toujours suivi de l'amour, il ressort que la douceur d'aimer s'allume et bout en elle aussi diversement. Tu vois l'immensité de l'éternel pouvoir et sa sublimité, puisqu'il s'est fait tout seul de si nombreux miroirs où son reflet se brise, tout en restant lui-même unique comme avant.